la kasunge. Mwen asis la bon kon leve. Pa men manti kompa. Mesye sa sa e sa e koutan. Yon twel vou fè mwen kontan. Mon die mi yon kon pa tombe. La gazelle si lè danse. Passou o véu. Allez, vous plaît.